Bonjour, monsieur le marchand, comment ça va? Ça va, j'ai mal aux pieds, bien c'est sûr, hein? Vous êtes un marchand? Ah oh, oui, oh, oui, oh, oui, mais je sais pas le lien entre être un marchand et avoir mal aux pieds. Ben, vous êtes tout le temps debout? Ah, oh, c'est vrai, je suis tout le temps debout. Vous montez des marches, descendez des marches, déboulez des marches. Ah, oh, c'est vrai, ça m'arrive souvent. Puis en plus, vous êtes un marchand? Ouais. Oui, un marchand. Donc vous marchez? Un marchand, ça marche? Ça marche pas. OK, ça marche. Et puis, oui, monsieur le marchand, je suis ici pas pour faire mes blagues hilarantes, même s'il la rend pas très loin. Il la rend pas... OK, c'est pas grave. Je cherche... Avez-vous ça des cerises ou bien des petits fruits des champs, mais congelés, surgelés? Mais là, écoutez, là, parce que des cerises, c'est aussi des petits fruits des champs. Attendez, là. Vous me dites, ce soir, à minuit, et vite que des cerises fait partie du monde, du grand monde, ou en tout cas du macrocosme des fruits des fruits des champs. Depuis quand? Ben oui, mais c'est des petits fruits. Une cerise, c'est pas un gros fruit. Une pomme, c'est un gros fruit. Une cerise, c'est un petit fruit. Un bleuet, c'est un petit fruit. Des murs. Ce sont des petits fruits, des plafonds, c'est pas des fruits. Des fenêtres, les doors, hey, quel bon fruit, hein? Oh mon Dieu, Oliver the Stone, le film de Oliver the Stone. C'est pas les cerisiers sont blancs, les oiseaux sont contents, et voilà le printemps, c'est pas celle-là, non. C'est le film qui raconte la vie des Doors. Ça n'a rien à voir avec les petits fruits, je le sais, mais c'est pas important, ça. Il n'y a rien que... Non, pour une fois, là, pendant 60 minutes. Mais les 60 autres, ben là, on le consacre à une invitée de mon cru. Qui l'eut cru, le père Lustugru? Et qui lui a répondu? Ben, avec l'errance rénadienne, on risque d'être un peu perdu. Sur l'air du tralala. Les petits fruits. D'où viennent les petits fruits? Et ça vient de la terre. La terre vient de la terre, hein. Et puis la terre est dans la galaxie. Très loin de chez moi. Ah oui. Moi, on me dit, mon doux, mon ami, depuis quelque temps, tu vois la tête ailleurs. C'est certain, je les ai dans les petits fruits. J'aime ça, moi. Mais oui, l'expression, là, c'est pas... C'est laquelle? Non, pas tomber la tête. Couche la tête. Gino, couche tranquille. Tu vas avoir un bel os. Ouais. Ah non, j'ai perdu la tête. J'aime bien perdre la tête dans un champ de fruits. Comme ça, je peux y goûter. Hein? Je suis à ras le sol. Mais quand ma mâchoire est directement dans l'herbe, ah ben là, c'est plus difficile. Il faut vraiment que je tombe là, à 35 degrés, que ma bouche puisse... manger, hein, ce que je veux bien manger, puis en plus avec les yeux, essayer de rouler, c'est un peu bizarre, hein. Mais tu clignes des yeux pour essayer de rouler. Puis là, si tu clignes pas assez, là, fring! Là, t'as le visage en plein ciel. Tu peux plus rien faire. Là, tu te dis la prochaine fois, je vais perdre la tête, là. Hein, je vais donner un gros coup de cil, fling, pour rouler et rouler. Après, là, à chaque fois que tu arrives sur le cil, fling, tu clignes encore, mais très fort. Et tu roules, tu roules, tu roules, et tu roules vers la vie en chantant de jolies mélodies. Il est parti en Ontario, tibidou, tibidou, récolter des beaux bidous, tibidou, tibidou, les tibidou, les tibidou, les gens, les tibidou. Hein, on aime ça, les tibidou. Tibida, tibida, tibidou, on perd notre vie à ramasser des tibida, tibida, tibidou. On s'en compte à la fin de notre vie qu'on a perdu notre vie en récoltant les tibida, tibida, tibidou, on aurait dû changer ça. Mais ça prend l'existence au complet, pas juste une bride, ou si c'est une bride. Pour te faire réagir, il faut vraiment qu'il y ait un choc majeur. Par exemple, tu fais un saut en parachute, le parachute n'ouvre pas. Là, tu tires encore, tu tires, tu dis, hey, écoute, si tu ouvres, là, je change. Je change tout à fait mon existence. J'irai plus pointer, je vais vivre pour vivre, avoir le plaisir, même si j'ai pas d'argent, c'est pas grave, je serai heureux parce que tu m'auras donné la vie. Puis là, il tire, le parachute ouvre. C'est un peu comme Cat Steven. Cat Steven, il y a eu un accident de voiture. Puis là, il s'est dit, si je reste en vie, j'arrête tout. Je me donne à la religion, bon, bouddhiste ou peu importe. Et puis, lui, c'est peu importe. Mais je ne suis pas très religieux. Mais en tout cas, peu importe. Et là, il a survécu. Il a suivi ce qu'il avait promis à je sais pas qui, à qui. Je crois que c'est à Bouddha. À Bouddha. Pas Abdullah the Butcher, là, pas, ben non, pas Luther, le Bouddha, là, celui qui est assis avec la petite bédaine, parce qu'il a mangé quelques whippets. Oui, puis il y a aussi les mains, vous savez, comme pour accueillir l'hostie, le corps du Christ, mais il y en a qui mettent de l'encens là-dessus. Ça fait beau. Moi, j'ai 3-4 bouddhas un peu partout, là, mais oui, comme disait ma femme, tu dis jamais ça. Normalement, tu dis un peu partout, moi, mais je me garde des gènes. Des gènes, ah oui. Moi, j'ai un gène d'imbécilité. Ah oui, ça fait des bonnes émissions, et puis ça décourage ma femme. Ah, elle dit, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Je dis, t'as rien à faire avec moi! T'as rien à faire avec moi! Moi-même, j'ai rien à faire avec toi! Et là, elle me regarde. Elle dit, mais voyons donc. Quand on s'est marié, ben oui, ben c'était un coup de tête. Hein, mais je me suis fait mal. Ben oui, je suis tombé des raisins sauvages. Moi, je pensais pas que les raisins étaient sauvages. Puis là, il y a un petit ver de terre qui est sorti d'un raisin rouge. Puis là, il est venu me voir. Il s'est approché de moi parce que j'avais perdu la tête, mais j'avais l'œil vis-à-vis le ver de terre. Puis là, j'ai dit, j'espère qu'il ne rentre pas ça dans l'eau, dans la narine. T'sais, il peut rentrer dans la narine. Puis moi, j'ai pas de main, là, j'ai perdu la tête. Puis s'il me rentre dans la narine, il va rentrer dans mon... Mais il ne peut pas aller plus loin parce que j'ai le cou tranché. Comme guillotiné. Guillotiné tremblé. Celui qui a mangé de la saucisse hier au soir, là. De la saucisse au poivre avec du sel. Je dis, toi, là, moi, j'ai déçu des idées. Ben oui. C'est bien beau que ce soit au poivre, mais c'est pas parce qu'il y a du poivre que tu dois rajouter du sel. Mais moi, je mets mon grain de sel partout. Ça, c'est vrai. Ça, t'sais, c'est le gars qui a pas d'opinion, mais qui le dit quand même qu'il a pas d'opinion. Moi, j'en ai pas d'opinion. Mais moi, dire en affaire, puis il part, il revient, puis il part. T'sais, c'est comme le boomerang au moins, Le boomerang au moins, il revient. Lui, il s'en va, puis il s'en va, mais il reste là. T'sais, il s'en va dans ses idées, mais il devrait quitter son corps. T'sais, le corps devrait nous extirper de cet être qui nous emmerde royalement. Tu sais, il y a des soirées où tout va bien, la musique est bonne. La musique est bonne, je frissonne. Puis des fois, hein, on fait des petites soirées karaoké. C'est le plaisir, karaoké. Hein? Faut savoir du temps à perdre pour chanter sur de la mélodie. Tu sais, j'aurais voulu être un artiste, pour toutes les fois changer de peau, puis il se prend pour l'artiste. Arrête donc, c'est la malade, dans la vie, ouais, là, ben, ouais, tu fais ça, tu veux prouver à qui, là? Ben là, ma copine est ici, hein, c'est la troisième journée que je la fréquente. Mais là, j'ai jamais su le moment où on pouvait dire que nous étions en couple. Comment ça se passe? C'est-tu elle qui doit dire, ben écoute, je sens quand même une affinité entre nous et toi, mon chéri. Là, tu dis, mais moi aussi, c'est plus quoi? Non, il a pas préparé son dialogue. Fait qu'il sait plus quoi dire. Comme des monologues de Rénal Gagné. Il sait pas quoi dire parce que c'est une improvisation. Là, il dit, elle a dit, voyons donc, il va-tu hésiter de même si on se marie? Mais il veut pas se marier, ce gars-là. Il veut pas se marier. Pas parce qu'il l'aime pas, parce qu'il croit pas au mariage. C'est quoi le mariage? C'est du trouble! Ce mariage, on doit se marier déjà, là. Hein? Le petit côté à poupée. Ma femme, elle veut jouer à poupée. Oh non, qui dit oui, oui, oui, oui, oui, oui, toute la journée. Elle dit oui, oui, oui, oui, oui, oui, jouer à la poupée. Mon doux Seigneur, lâche ta Barbie, ma Barbie, hein? Ben voyons donc, lâche-la ta Barbie, ma barbiturique, ma savonneuse gratteuse, ma belle bourlingueuse, ma ricaneuse sans rien savoir. J'en connais une, là. Ça, c'est... Ben, puis elle sait que je la trouve imbécile parce qu'elle rit sans savoir pourquoi. C'est toi? Elle rit, ben, tu sais, il se passe rien, là. Elle arrive à... Parce que moi, je suis commis. Commis. Comme il se doit, là, devant une caisse, et puis je fais aussi du plancher. C'est le plancher, je fais du plancher. Moi, le plancher, je le fais, je le défais, je marche dessus, je le démolis, je l'embrasse. En rentrant, j'embrasse le plancher. Oh ouais, c'est mon pape qui me l'a dit, j'ai dit, hey, Toutou, avant de quitter, parce qu'il était un peu malade, même très malade, mais j'ai dit, qu'est-ce que tu peux me suggérer, là? Tu sais, ton passage sur Terre était fabuleux. T'as rejoint certains êtres qui n'étaient pas dans ton clan, et puis, mais qu'est-ce que tu voudrais me proposer? Tu sais, t'es venu au monde pour me lancer quel défi? Il me regarde. Il était déjà très vieux, là. Les yeux un peu en orbite, il me dit. Voilà, mais. Vous en mangez, Bambinoun, dans ce monde, il tapit, on. Runtanam, Bambinoun. Télisting, à Waydal. Irénal, la Walling. Devant tout, Nénisting. En un rôle de malin. Punstating, mais. Et Nérun, Kanantoun. Tong, Anton. Ping a king, sting a ping. Puis il s'est endormi. Je dis, j'ai rien compris, moi. J'ai pas la sonorité papale. J'ai pas le lexique papal. J'ai pas Google Traduction devant moi. Pourquoi tu dis en anglais traduction? Ben parce que c'est traduction. Puis là, juste pour faire rire, pour faire international. Tu sais, mon émission va devenir international. Quelle émission? C'est pas toi qui l'as, ton émission? C'est pas à toi, cette émission-là. C'était qui? C'était Rénal Gagné. Ouais, mais Rénal Gagné, il est pas là. Il est jamais là. Quand on veut l'avoir, il est pas. Il veut pas se présenter. Mais, tu sais, c'est une humilité à deux pattes. C'est ouais, une débilité à deux pattes. Vous dites débilité, vous? D'accord, vous avez raison. On trouve débile ce que l'on aime. Quelle expression étrange. Ça vient d'où? Ça vient pas d'où? Ça vient de novembre. Mais comme Tom Novembre serait pas prêt à m'appuyer, si tu connais pas Tom Novembre en écoutant mes émissions, il y a un petit problème technique. Mais c'est pas grave, vous avez le droit d'avoir des problèmes techniques. Moi-même, j'en ai. Tout le monde en a. Puis là, certains se disent, ben, je pense que lui, il y en a plus que les autres. Comment là? Il me semble que celui-là, il y en a plus que les autres. Voyons donc, comment? Vas-y! Mais je paye sa pitoune, ça ne veut pas partir. Il me semble que celui-là, il y en a plus que les autres. Ah! Ah! Oh! Grace Jones. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel du... Tu vois, je n'ai pas trop changé. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel du... Et Grace Jones le sait aussi. Oh, je voudrais tant que tout est ce bien. Des jours où nous étions amis, et ce temps-là, la vie était plus belle, et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent en la paix. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent en la paix. Les souvenirs, le regret aussi, le vent du nord les emportait dans la nuit froide d'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié les chansons tu m'as chantées. Thank you. tellement. Et toi, tu m'aimais tellement. Les feuilles mortes. Les feuilles mortes. Ça se passe bien? Oui. Bon, on continue. Je dirais pas ma blague parce que, quoique c'est l'heure, on pourrait se lancer, mais non, je n'oserais pas. Je n'oserais pas rechanter ma chanson. Non, je sais. Regarde-moi ça! Tout est en frère forgé. En quoi? En frère forgé. C'est pas... Attends un peu. C'est pas frère, mais c'est fer forgé. Alors, dans mon cas, c'est frère forgé. Écoute bien ça. Il m'a appelé. Il y a presque un mois et demi. C'est rare. Hein? Normalement, c'est quelques jours avant ou quelques jours après. Hein, si vous écoutez mes émissions. Mais là, il y a quelques mois. Pour me dire, Gaétan Brisebois. Mon gosseux de bois. Tu sais, Gaétan Brisebois, je me suis dit, quand j'étais plus jeune, je le suis encore, là, regarde, j'ai 40 ans d'expérience. Donc, j'ai 61 ans. 61 ans, et puis, pas US, 61 ans, même pas en euros, 61 ans québécois, là, l'argent québécoise, là, comme on la connaît. T'as-tu 25 ans? Hein? Ouais, excuse-moi. As-tu 25 ans? T'as-tu encore? On va le dire. Faites-vous en pas. On va... Non, ça prend de la discipline. Et surtout, se centrer sur soi-même. On y va. Hein? Quand je me sente, ça fait... Parce que moi, j'ai la gorgeotte qui doit rester calme devant toute la salive qu'elle reçoit. Et puis, regardez-moi tout ça. Hein, regardez-moi ça. C'est tout en frère forgé. Bon, le frère forgé, c'est des frères, bien sûr, c'est pas des sœurs. Des sœurs forgées, j'ai jamais vu ça de ma vie. Des sœurs forgées, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu sais, avec les... Et tous les mouvements qui peuvent se faire rapidement, là, les revendications. J'ai rien contre les sœurs forgées. Mais en tout cas, là, c'est le frère forgé. Le frère forgé. Et puis, moi... J'ai commencé dans la prothèse dentaire. Comme les petits fruits de monsieur de tout à l'heure, là, les fruits viennent de la terre, la prothèse vient de la terre. C'est pour ça qu'on dit une prothèse dentaire. Là, certains puristes diront, non, voyons, donc prothèse dentaire, ça vient de dentition. J'ai toujours rien contre la dentition, mais qui dit que la dentition n'est pas implantée, hein, n'est pas enfoui dans le sol. Mais là, ça dépend de chaque mâchoire. Là. Si t'aimes bien, il y en a qui mâchent, comment t'appelles ça, donc qui broient le sol, donc qui... En tout cas, peu importe. Quand tu réfléchis, mon champion, là, c'est pas une réussite. Ah non, parce que les gens s'attendent à quelque chose, puis la chose n'arrive pas. C'est comme quand tu vas... moi, j'ai pris des cours par correspondance. Oui, des cours, de philosophie. Et parce que je me suis dit, j'aime me mettre le cerveau en action, et puis c'est bien beau les lectures, là, mais Marguerite Duras, et puis Denise Filiatro, et Régent Ducharme, et puis vous allez me dire, hein? Pourquoi Mme Filiatro a à faire là-dedans? Oui, j'ai lu ses mises en scène. Parce que là, il écrit un livre, il n'y a pas quelques. Il parle très longtemps, au temps de la guignole, de la dentelle. Ah oui, hey, on se foutait de dents pathétiques. Ah, c'était l'époque de l'écriture nostalgique. Pom, pom. Tu prends ton crayon, mais tu prends pas la dactylo, encore moins l'ordinateur, et tu te mets à écrire, à raturer, à reprendre. C'est ça qu'il faut réapprendre. Prenons nos anciennes habitudes. C'est des créateurs de l'époque qui ne se sont plus dit. Aujourd'hui, on va se... Hein? On va se quoi? On va se mettre à la fine pointe. Prendre des ordinateurs, des dactylos. Et puis, on va faire des chansons de ces beaux shows. Ouais, non, c'est vrai. Gardons le papier et le crayon. Là, je ne vois pas quand même parler de la plume avec l'encrier. Quoi qu'il y en a qui sont encore à l'encrier et à la plume. J'ai un grand respect. Moi, j'ai un respect pour tous les gens qui en ont du respect. Mais c'est une denrée rare. La denrée rare se trouve dans la prothèse. Ah oui, c'est une denrée. Non, c'est pas une dent, c'est une denrée. Toi, tu mêles les affaires. Mais plus tu mêles les choses, plus ça devient joli. Par exemple, quand tu prépares une bouillabaisse, ou on va lâcher la bouillabaisse. Par exemple, on en dit des exemples en pas grand temps, hein? Puis on dit pas grand-chose, hein, à part l'exemple, là. Dessine-moi un mouton. Ben là, moi, j'ai ma brebis. Et puis, je l'ai attaché, hein. Je l'ai attaché sur la chaise de l'insignifiance. Et puis là, il y a Ionesco qui m'a dit, choisis la tienne. J'ai dit, quelle insignifiance? Ben là, on choisit ta chaise. Ben là, tu sais, sans trop hésiter, je lui ai lancé la chaise électrique. Pourquoi? J'aurais pu dire la chaise du coiffeur, la chaise forgée que Gaétan Brisebois a tenté de réanimer pendant que son mari voulait faire une autre œuvre avec ça. J'aurais pu dire la chaise plasticine. Il faut faire cuire la plasticine. Sinon, tu t'assis dans un tas de boue. C'est debout, mais ça tient à rien. Tu la regardes, mais pas trop. Parce que plus t'as les yeux rivés sur elle, ça donne de la chaleur, le regard. Vous saviez pas ça, hein? La chaleur donne du regard et le regard donne de la chaleur. Ça, c'est vrai. T'es dans une petite soirée. Pas une grosse, une petite, puis même une grosse. Puis là, tu trouves une jeune fille. Une fille qui t'intéresse. Bien sûr, toi, t'es au bar. Elle est assise avec des copines. Puis là, c'est elle que tu regardes. Puis là, à un moment donné, le regard devient une chaleur parce qu'elle... Elle sent que tes ondes, là. Ben oui, il faut qu'elle soit branchée. Si elle n'est pas branchée, il y en a, hein, des superficielles. Mais quand tu veux avoir vraiment celle qui te correspond, juste au regard, elle va se sentir observée. Mais pas dans le mauvais sens, là. Pas observée, hey, c'est un prédateur. Non, observée dans le sens que celui-là, il y a quelque chose à me dire. Et là, tu la regardes. Et à un moment donné, dans ça, elle parle et puis elle fait comme un panoramique. Et dans son panoramique, là, elle te voit qui la regarde. Là, elle revient sur l'autre panoramique, hein, droite, gauche, pour revenir avec ses amis et parler un peu. Je crois que le gars là-bas, là, il m'observe depuis quelque temps. Là, les filles font semblant de rien. Puis là, il se gratouille la nuque. Et puis en se gratouillant la nuque, il s'étire le regard pour voir qui le regarde. Là, il dit, « Ouais, je pense pas que c'est un gars pour toi. » Mais comment ça? Là, on est juste dans l'observation. Je n'aimais pas parler. Oh, non, c'est pas un gars pour toi. Regarde, il a les cheveux longs. Puis il a des lunettes. Puis il a une barbe. Puis... il a l'air d'un vagabond. Hey, arrête donc! T'es en train de déjà le détruire quand il s'est même pas exprimé. Laisse-lui sa chance. Puis, ah, c'est pas pour. Tu vas te mettre dans l'eau chaude. L'eau chaude, j'aime ça, l'eau chaude. Quand je prends une douche, pas d'eau chaude, on dirait que je prends rien. Puis quand je prends rien, mais ça m'intéresse pas. Ouais, on t'aura averti. Tu viens de m'avertir. C'est pas Tora, là. Tora a rien dit, puis c'est juste ton observation à toi personnellement. On est cinq filles ici. Cinq filles ici. C'est du Michel Tremblay. On est cinq filles ici. Parce que sinon, si ça serait du... je sais pas, du... du Renoir. Renoir a même pas écrit de pièce de théâtre, toi, là. T'es dans la firme... T'es toujours à peu près là, dans du rien, dans du Néandertal. Et puis, à un moment donné, tu vas faire quelque chose de ta vie. Mais ce qu'il faut chercher... fâche-toi pas, toi! On parle de la fille qui regarde le gars, puis le gars qui regarde la fille, puis la fille qui trouve que ses amis s'imaginent qu'ils mettent un peu en dessous de la guillotine. Puis lui, il a rien demandé, il fait juste l'observer. Il est tout seul, il est tout seul, il est tout seul. Puis elle est avec un groupe. Il s'est dit, j'ai rien à perdre. Puis je me fais plaisir, tu sais, je regarde les gens qui m'intéressent. Les autres, ben, qui poursuivent leur route sans me regarder. Je resterai fidèle à ceux qui m'aimeront. Tout près de Capri, quand je finis de pêcher, on se trouve chez les ronces, on est ronces. On mesure les poissons, avidons des canons, et on passe vite le cap quand ça tape. Bientôt plus de cabrini, encore moins de cablani, ce qu'on voit c'est nos nids tout rougis. Quand les rêves que je lève ouvrent le ciel sur mes lèvres, moi je pense à Marie qui est partie. Je quitte le staminet et je regarde en devant le rideau. De l'autre côté de la mer, les collines de l'Angleterre montrent que le monde par ici est tout petit. Et à gauche déployé sur le flot déchaîné, je l'appelle en grand cri, reviens Marie. Peut-être qu'à l'amollement, pour pêcher que c'est le bon temps, mon filet me le rendra dans mes bras. marée, ah oui, même la marée en a marre. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas, je pèse sa pitoune, même la marée en a marre. Eh, monsieur, faut changer, mais un autre, comment t'appelles ça, là, un autre ressort. Avec Rénal, on en ressort plus fort. Tourment tout frère, il s'amène à maison. Il me dit comme chat Marcel, dit qu'il a jamais sorti. Et demain je vais à Paris, si t'es veux venir, viens avec moi. Pensez que j'ai ton compte en main qui ne suis jamais sorti. Plus loin que mon patelin, enfin chalot vire Paris. Un visitera tout chez musée, parc, chez bio à vivre. Lendemain ouvre la partie, ma bio frère aime s'artiller. Au sommet arrivé, sur le coup de 10h30. Et le premier truc à faire, il me dit, c'est d'aller boire un demi. Car pour un ch'timi, ce qui compte, c'est un demi. Quand un ch'timi est sorti, quoi qu'il boit, boit lui, il boit un demi. Il boit un demi. Quand un ch'timi est un achat pour s'artonner du courage, il boit un demi. Il boit un demi. Et puis le jour avec chama mal, pour sa remontée sans morale, il boit un demi. Il boit un demi. Impression, un jus de l'eau, ouais, quand chaque mot, j'ai tous les mots. Il boit un demi. Il boit un demi. Dans le premier café, au sommeur intré, un homme noir et blanc, il s'amène sur nous. Et il nous dit comme chat, pour ce monsieur dame, qu'est-ce que ce sera? Et ben, un chelou, t'es pas nous mettre trop de mi. Une braviste, un drôle de l'heure, ils n'avons rien compris. Trop si con que j'ai dû y. Qu'un boulon j'ai trop de mire. Car pour un ch'timi, ce qui compte j'ai un demi. Quand un ch'timi est sorti, quoi qu'il boit, boit lui. Il boit un demi. Il boit un demi. Quand un ch'timi est un achat pour s'artonner du courage. Il boit un demi. Il boit un demi. Et puis le jour avec chat va mal, pour sa remontée sans morale. Il boit un demi. Il boit un demi. Impression un jeu de blow. Et quand chameau j'ai tout dit bon. Il boit un demi. Il boit un demi. Quand un ch'timi est sorti, quoi qu'il boit, boit lui. Il boit un demi. Il boit un demi. Quand un ch'timi est un achat pour s'arconner du courage. Il boit un demi. Il boit un demi. Et puis jouer que ça va mal, pour sa remontée sans oral. Il boit un demi. Il boit un demi. Impression, moi je suis doublon, ouais, quand chaque mot j'ai tous les mots. Il boit un demi. Il boit un demi. Impression, moi je suis doublon, ouais, quand chaque mot j'ai tous les mots. Il boit un demi. Il boit un demi. Les Fatal Picard. Mais même si tu comprends pas, parce que moi j'ai rien compris là-dessus, là, mais c'est bon. Fatal Picard, Fatal. Fatal. Ben non, non. Madame Tremblay, Fatal, Fatal. Comme. Notre amour est une fatalité incroyable. Mais pas fatalité, mais fatale, fatale. Elle comprend presque. Et je vois la lueur d'espoir dans son cheveu gris. Ah oui, quand son cheveu tourne, non pas vers le ridicule, mais vers l'intelligence, c'est là que les vibrations soudaines lui apparaissent au visage. Et c'est là également que son mari, René, lui apporte son petit café du matin, même s'il est minuit 50 le soir. Puis elle, toujours, elle le dit, elle le redit, « Le café, ça me fait pas d'effet. Je peux dormir après avoir bu 3 tasses. » Tandis que son mari, juste à l'écouter, il est 2-3 semaines sans dormir. Mais ça, personne ne le revendique. C'est un couple silencieux qui s'aime depuis belle lurette. Puis même ce temps si reculé, parce que belle lurette, ça fait longtemps. Je disais, ben ouais, mais là, on peut pas l'expliquer. Belle lurette, allez voir sur Internet. Belle lurette, belle lurette. C'est pas une fleur. Mais moi, j'appellerais mon chat belle lurette. Belle lurette! Belle, viens ici, belle. Ou tiens, mon, pourquoi pas mon chien, belle lurette. Belle lurette. Puis quand c'est mon animal, c'est plus un chien. Donc c'est belle lurette. Puis c'est peut-être une femme aussi, belle lurette. C'est féminin, belle lurette. Pas, moi, ça serait pas un mâle, ça serait pas belle lurette. Ça serait peut-être Gaston. Là, je vous dis, tu sais, il y a des gens qui donnent des noms, même des prénoms, de ma sœur. Ma sœur, à moi, j'ai une sœur qui est religieuse. Oui, le Sainte-Dame de Paris. Non, c'est la sœur Volante. Ma sœur, c'est la sœur Volante, en tout cas. C'est une des rares sœurs Volantes. Et puis, elle, qu'est-ce qui arrive avec elle? Ah oui, c'est ça, c'est que... Pourquoi je parle d'elle, non? Ah oui, hein? J'ai presque eu l'idée à sa part. Avez-vous entendu l'éclair? Ah, mais là, c'est fini. L'éclair est passé, plus rien, plus d'idées. Plus de couleurs, plus d'images. C'est ça, la vie. Quand ça passe, tu le prends. Quand ça passe plus, ben tu l'attends. Puis quand t'attends, puis il n'y a rien qui se produit, tu veux croire un jour à la magie, et à un moment donné, la magie s'opère là. J'adore cette version-là. C'est avec ma copine. Je vous présente ma copine. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me. Something is right. again. Désolé bergère, j'aime pas les moutons, qu'ils soient pur laine ou en chapeau melon, qu'ils broutent leur colline, qu'ils broutent le béton, menés par quelques chiens et par quelques bâtons. Désolé bergère, j'aime pas les moutons. Désolé bergère, j'aime pas les agneaux qui arrondissent le dos de troupeau en troupeau, de troupeau en étable et d'étable en bureau. J'aime encore mieux les loups, j'aime mieux les moineaux. Désolé bergère, j'aime pas les agneaux. Désolé bergère, j'aime pas les brebis. Ça arrive tout tordu et ça dit déjà oui. Ça se retrouve tondu et ça vous redit oui. Ça se balance en boucherie et ça redit oui. Désolé bergère, j'aime pas les brebis. Désolé bergère, j'aime pas les troupeaux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur coteau, qui avancent en reculant, qui se noient dans un verre d'eau bénite et dès que le vent se lève montrent le bas de leur dos. Désolé bergère, j'aime pas les troupeaux. Désolé bergère, j'aime pas les bergers. Désolé bergère, j'aime pas les bergers. Il pleut bergère, prends garde à te garder. Prends garde à te garder bergère, un jour tu vas bêler. Désolé bergère, j'aime pas les bergers. Désolé bergère, j'aime pas les moutons. Qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon, qu'ils broutent leur colline, qu'ils broutent le béton, menés par quelques chiens et par quelques bâtons. Désolé bergère, j'aime pas les moutons.